Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions Dammaj ont le plaisir de vous présenter Inna hadha al-ilma din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Cette science est une religion, prenez donc garde de qui vous prenez votre religion. Un cours donné par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi-Dammaj au Yémen. Cours numéro 1. Nous demandons à Allah azza wa jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عباده المؤمنين بالتفقه في الدين الله سبحانه وتعالى إلى أردن يا سيرفيتور في هذه الآية أن يتفقهوا ليتفقهوا في الدين أي التفقه لابخونتيساج دو لا ريليجيون العلم طلب العلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فمن أعظم النعم عليك أيها العبد نعمة العلم النافع علم كتاب الله وعلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم فهذه من أعظم النعم على المرء أن يوفق لطلب العلم عند أهله عند أهل السنة أهل السنة والجماعة السلفيين وفقهم الله فالأنت بغن نعمة سختوى أيها المسلم فك الله سبحانه وتعالى اتفصلت للشمج علم عند أهله أي عند أهل العلم شري جون دي سيونس قال بعض السلف من نعم الله عز وجل على الحدث والشاب والأعجم أن يوفق إلى عالم سنة من أول يوم parmi les plus grandes نعم que الله سبحانه وتعالى إذن à son serviteur هذه من نعم الله عز وجل على الشاب أي الجن والحدث c'est une personne il vient de se convertir مثلا حدث أي في الدين أو un jeune كذلك الأعجمي أعجمي une personne qui ne fait pas partie de l'arabe c'est pas un arabe فمن أعظم النعم على هؤلاء وهذا سي الله سبحانه وتعالى يعني إلا وفق من أول يوم أنه il apprend son دين عند أهل السنة فça sera une des plus grandes نعم pour lui et sur lui هذا العلم علم كتاب الله وعلم سنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا يؤخذ إلا عند أهله. فطلب أيها المسلم دبخون سو علم عند غير أهله. Tu veux apprendre, lakin tu vas pas chez les gens compétents. Tu vas pas chez les savants. قال الإمام محمد ابن سيرين أبو بكر رحمه الله كما في مقدمة صحيح مسلم إن هذا العلم دين. إن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا الإمام رحمه الله il sait et il connaît l'importance de هذا العلم. Et il sait et il connaît رحمه الله l'importance de prendre هذا العلم عند أهله. لأن هذا العلم c'est ton دين. Tu vas apprendre ta aqida, ta croyance. Tu vas apprendre comment faire salat, comment donner zakat. Des choses de ta religion. فلابد tu fais attention de qui tu vas prendre هذا العلم. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وبعض الناس تساهلوا في هذا الأمر جدا. بعض الناس تساهلوا يعني يسلس علي سبب أي لفت فيغ attention de qui tu prends العلم. فترى واحد يبخو عند أهل البدع. Tu trouves un autre. يبخو il étudie عند واحد ما يدري من هو. On sait pas c'est qui. أو il y a un livre من أئمة إمام من أئمة الضلال. أو il écoute une cassette. التلقي هذا le fait de prendre. وهذا c'est خطير جدا pour la personne. Si la personne ne fait pas attention هنا avant de طلب العلم il choisit يعني le professeur, il choisit l'école, il choisit le livre, يعني qui est على الحق, على السنة. أما الدراسة عند أهل البدع فسي سبب من أسباب الانحراف والضلال. Le fait de prendre العلم عند أهل البدع لا شك أنه يعني سي une porte d'égarement والعياذ بالله. لأن هذا المبتدع المنحرف الضال comment il va te faire profiter d'une chose que lui-même il n'a pas profité. أولا est-ce qu'il a du علم. S'il n'a pas de علم فلا شك qu'il soit مبتدع ou pas on prend pas de lui. ولو s'il a du علم c'est un مبتدع comment tu vas prendre de lui وهو بنفسه il n'a pas profité de ce ilm. C'est un mubtadi, c'est un égaré. Comment anta tu vas profiter? والله subhanahu wa ta'ala hadhar. Allah subhanahu wa ta'ala il a mis en garde contre Ahl al-Ahwa. Fi al-Sahihay an Aisha radiyallahu anha qalat tala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qawlahu azza wa jal. Aisha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a récité ce verset. Qawlullah azza wa jal huwa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun anzur wasma' wa ta'ammal. Allah subhanahu wa ta'ala al-an il te montre l'état de haoula ces innovateurs. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا حال أهل الأهواء. الله سبحانه وتعالى فضحهم في كتابه العزيز. فهؤلاء عند الآيات المتشابهات يسويفر لغ باسيون. قال فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه. يبخن دي آيات أو دي أحاديث متشابهة. أي tu peux comprendre هكذا tu peux comprendre هكذا. هو il prend ce دليل et il l'explique et il te le montre par rapport à son égarement. فانتبه أيها المسلم. قال رسول Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il a lu ce verset, قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Si anta, tu rencontres ce genre de personnes, min ahl al-bid'a, wa ahl al-bid'a, ils sont tous ala hada. Ils prennent ce qu'ils veulent comme dalil, ils rejettent ce qu'ils veulent, ils comprennent comme ils veulent. Walou yikhalif as-salaf as-salih, la yubali. Lakin huwa, tout ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de montrer que son madhhab, sa voie égarée, il essaye de te montrer qu'elle est ala haqq, et il te cite des adillah. Et ces adillah, ces preuves qu'il te cite, il les adapte, ou il les comprend par rapport à son égarement. Fantabih ayyuhal muslim. Fa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala fa ulaika alladhina samma Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a montré dans le Coran. Il t'a montré les caractéristiques de haoula. Ils suivent le mutashabih. Thumma an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te met en garde. Fahdharuhum. Fais attention. Ne te mélange pas à haoula. Ne t'assieds pas avec haoula. Mimbab haoula, n'étudie pas chez haoula. Allah subhanahu wa ta'ala hadhar. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a mis en garde, ayyuhal mu'min. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam hadhar. Il t'a mis en garde, ayyuhal mu'min. هذا الباب يا جماعة إلى خطير جدا. كم من الناس إذا تي على خير إذا تي على حق إذا ما العلم انحرفوا. Combien de personnes ils étaient à la haqq, ils aimaient bien l'ilm, ils se sont assis avec des gens mauvais, ou il a voulu étudier chez une personne mauvaise, un innovateur, un mubtadi', un dhal, il s'égare. Wal 'iyadu billah. Limadha? لأن إلى با إلى با appliquer هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاحذروهم. Fais attention. Ne t'approche pas. Écarte-toi comme tu t'écartes du feu. من هؤلاء أو أشد. لأن le feu va te brûler ta peau. Abad. Je patiente. أما هؤلاء ils vont brûler ton cœur. وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هؤلاء ils brûlent ton cœur, et si ton cœur il est malade, صلى الله عليه وسلم, tu peux perdre ton dîn أو une partie de ton dîn. وعن عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. عبد الله بن عمر ابن العاص صحابي جليل un compagnon du prophète عليه الصلاة والسلام, il rapporte qu'il a entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, à la fin des temps, il va refaire هذا العلم. Petit à petit, il va refaire هذا العلم. Lakin, ce ilm, maintenant, le prophète sallam, il va nous montrer comment Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre ce ilm. قال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. Ce ilm, الذي سيرفع يرفعه الله عز وجل, ça va être avec la mort de l'ulama. Ça te montre, أيها المسلم, أن العلم c'est lié avec العلماء. العلماء, السنة. العلم c'est pas que des livres. العلم c'est pas que des cassettes. العلم c'est pas عند أهل البدع والضلال. العلم c'est عند أهله. قال عليه الصلاة والسلام حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. Cette époque, il n'y aura plus de savants, les gens ils vont prendre rous, ils vont prendre des têtes. Cheikh Foulan, le professeur Foulan, l'imam Foulan. Lakin, c'est des juhal, c'est des ignorants. C'est des ignorants et c'est des égarés. Qala alayhi sallallahu sallam, fa su'ilu, fa aftaw bi ghayri ilm, fa dhallu wa adhallu. Les gens ils vont leur demander. أي يطلب العلم عندهم لأن تعلمون أن السؤال سين ميثود دابرونتيساج فهؤلاء الآن يطلب العلم عند هؤلاء دي تيت رؤوس لكن سي دي جهال سي با دي علماء اي زون با بري العلم عند أهله فقال عليه الصلاة والسلام فضلوا يبون سيغاري وأضلوا اي يبون إيغاري لي زوتر سا سا تو مونتر أخي القريب أن أخذ العلم عند غير أهله سي أون بورت دغارمون. هؤلاء الآن يبل الخير. Ces personnes الآن يتخذوا الناس رؤوسا جهالة. أي يفعل أبخوندر يدمون. لكن لا ميثود ألي با بون. في هذا الحال أحسن tu y a plus de ulama, y a plus d'ilm, خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. Tu vas pas avoir أهل الضلال. لأن si tu restes à la fitra, t'es ignorant, t'es excusé. لأن tu veux apprendre mais y a pas. أما الآن انظر هؤلاء, ils sont partis voir ces égarés, ils les ont égarés. Ils n'ont plus d'excuses عند الله. وانتبه في الحديث لم يترك عالما أن cette période qu'on a citée, c'est une période où il n'y aura plus d'ulama. Même dans ce cas-là, tu n'as pas le droit d'aller voir Ahl al-Dhalal. Tu n'as pas le droit, il n'y a pas d'ulama. Khalas. Amma, ma baluk nahnu l'an. Al-ulama wa lillahi l'hamd mawjoudoun. Les endroits où il y a du ilm nafi', alhamdulillah, il y en a. Fama hada kulli, tu trouves بعض الناس, il délaisse ce khayr, et il va voir Ahl al-Dhalal. Ou al-Bida. Alors il va voir des personnes inconnues, personne ne les connaît. On ne sait pas s'ils sont à la khayr ou à la shar. Tout ça, al-khayr, et ils délaissent et ils vont prendre, يعني, al-shar inda ahl al-shar. Wa salaf, rahimahumullah, al-salaf al-salih, al-ladhi ittala'a ala shay min siratihim, tu trouves comment ils se sont comportés face à ahl al-bida'. Annahum, ils ne prenaient pas une lettre indahum. Ils ne prenaient pas une lettre. Ben, ils n'écoutaient pas un verset inda. Et tu trouves nous, ou certains d'entre nous liant, ils se prétendent sunni, ils se prétendent salafi, et tu le trouves, il va vers Ahl al-Dhalal. Ahl al-Bida. Ka'annahu ya'man ala nafsi. Comme s'il se sentait en sécurité. بعض الناس تلون صحي دي تانكيت تانكيت والله جماكيت بكو لأن هذه الطريقة طريقة الزيغ والانحراف. انظر الخطر الآن. On va comparer le موقف de certains aujourd'hui avec موقف السلف الصالح. Tu vas voir que c'est pas la même chose أبدا. السلفية c'est pas une étiquette. السلفية c'est pas une étiquette, je suis سلفي et je fais ce que je veux أبدا. السلفية tu suis هؤلاء, tu suis هؤلاء في العلم, في العبادة, في العقيدة, في الأخلاق. Tu les suis. Il y en a un seul avis, tu dois suivre هؤلاء. أما une étiquette et tu fais ce que tu veux, tu te feras du mal. Abdullah ibn Abbas, رضي الله عنه, صحابي الجليل, il a été éduqué par le prophète عليه الصلاة والسلام. يا غلام, إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك. هذا ابن عباس. Il a été élevé عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il ne connaît pas quoi talaub. Je fais ce que je veux. Abadan. Al-Rajul, il marche avec le kitab ou le sunnah. C'est devenu Habr al-Umma. Al-Habr, al-Bahr. C'est un océan fil ilm, هذا الرجل. قال, رضي الله عنهما, لا تجالس أصحاب الأهواء. لا تجالس أصحاب الأهواء. Fréquente pas أهل الأهواء. Un mubtadi, un dhal. Ne fréquente pas, ne t'assieds pas avec lui. قال فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. انظر. Tu sais pourquoi, الآن, tout ce qu'on va lire, tu vas comprendre pourquoi les salafs ils ont atteint ce niveau في الدين وفي العلم. Et là, ils ont préservé la ni'ma. فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. Le fait de s'asseoir avec eux, ton cœur il peut devenir malade, والعياذ بالله. يعني n'importe quelle raison. واحد يبغى dire je veux l'arabe, واحد يبغى dire c'est pour le Coran, واحد يبغى dire t'inquiète, واحد يبغى dire انا je sais, dès qu'il va dire du char je l'écoute pas. ايها المسكين, والله انت مسكين si tu penses هكذا. السلف ils ont fermé les portes لان انت un être humain. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. سبحانه وتعالى celui peut tourner ton cœur à tout moment. Apprends les causes. Écarte-toi du char. Amma, tu vas, tu rentres dans le danger. Thumma, tu dis là, je vais faire attention. Là, c'est pas ma'koul hada. قال الفضيل بن عياض من أئمة السنة رحمه الله صاحب البدعة لا تأمنه على دينك. انظر واسمع وصايا هؤلاء. لا تأمنوا على دينك. Un mubtadi, fais-lui jamais confiance pour ton dîn. Wallah, voilà où les lettres de l'alphabet, fais-lui pas confiance. Rubama une lettre, il va te donner un exemple avec une bid'a. Sahih, rubama une lettre, il va te dire le ra, tu le prononces kada, et il va te citer une bid'a. Tu fais pas attention, khalas, tu t'égares ma'a. Wallah, hatta les lettres, alif, commence pas avec lui. Les anna, as-salaf, ils connaissent le danger de la bid'a. C'est pour ça qu'ils ont ces réactions, ces paroles que t'entends. Ah, mais vu que nous, la génération, Kathir Minanas, ils connaissent pas le danger de l'bid'a, ils croient que c'est simple. Je vais apprendre l'arabe. Tu vas apprendre l'arabe et l'bid'a. Au lieu d'être un non-arabe salafi, tu seras un arabe mubtadi. Qala, la ta'manhu ala dinik, wa la tushawirhu. Anzur al-fadayl. Wa la al-mushawara, tu lui demandes un conseil. Là. Ça mubtadi, c'est un kha'in. خان الله ورسوله كما انت تبغى لي في كونفيونس ربما تبغى لي يا اخي شا مبتدع كونساي كذا ادنا كونساي بدعه انا غارمون ابدا خاصه اهل السنه موجودون بكثره ولله الحمد قال ولا تشاوره في امرك ولا تجلس اليه فمن جلس الى صاحب بدعه ورثه الله العمى الفضيل يتمنخ يتمنى غارد نو تسوى با Ne t'assois pas avec un mubtadi. Tout ma'it montre, elle n'est celui qui fréquente ha'oula, al-ashrar, al-dhullal, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aveugle. Sahih. Avant, il était à la khair, il aimait sunnah, il déteste le bid'ah. Tout ma'it, tu le vois, il commence à fréquenter ha'oula, il change. T'es trop dur. Petit à petit, il commence à citer des shubuhad. Ah, c'est commence à s'égarer. Tu parles sur foulal, là, mais pourquoi, mais kada, mais. Le cœur il commence à être aveuglé. L'imad, l'anna il a délaissé le khayr, la ni'ma où qu'il était, il a délaissé et il est parti. Enfin, il est tombé du char. Qala Abu Qilaba, l'imam, Abdullah ibn Zayd, al-Jarmi, min a'immat al-sunna, rahimahullah, qal, la tujalisu ahl al-ahwa, wa la tujadiluhum, ne les fréquente pas, et surtout, la tujadiluhum. الجدال سلا بوليميك كما قال بعض السلف أهل البدعة لا يرجعون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توبة لمبتدع حتى يدع بدعته ففي الأصل في الغالب en général ils reviennent pas c'est rare un mubtadi' qui fait une tauba ça veut pas dire qu'ils font pas tauba لكن c'est rare qu'Allah سبحانه وتعالى il le وفق للتوبة لماذا لأن المبتدع il pense qu'il est à la حق C'est pas comme un il boit de l'alcool, il fait zina, il vole, il ment, il sait qu'il est à la bâtine. Fa'bi'idn Allah, à tout moment, il peut faire tauba. C'est pour ça que tu vois que le repentir des pécheurs, il est beaucoup plus que le repentir des innovateurs. Fa'antal an, si tu veux polémiquer, anta, tu vas parler, tu vas argumenter, et lui, kadhalik, il va parler, il va argumenter. Qui c'est qui t'a dit que t'allais réussir à le convaincre? Qui sait qui t'a dit que peut-être qu'il va te citer une chose, tu ne pourras pas répondre, tu auras des doutes. Écarte-toi de Ahl al-Bida. Écarte-toi. Il n'y a aucun bien fi mujala satihim, abadan. Il n'y a que du mal. Pour toi et pour les autres, rubbama. Qala fa inni la aman an yughmisukum fi dhalalatihim. Abu Qilaba dit, j'ai peur pour toi. Si tu te mélanges à eux, tu les fréquentes, qui t'égare. Qala. أو يلبس عليكم ما كنتم تعرفون عند deux إما تبقى تقاري معهم إما يلبسون عليك ils vont te mettre des doutes tu auras des doutes sur certaines choses c'est ça le fruit amer de fréquenter أهل البدع إما l'égarement والعياذ بالله tu finis avec eux إما des doutes لأن ils vont poser des problèmes t'as pas la solution C'est pour ça que l'ulama c'est autre chose. Un savant maintenant de la sunna, il conseille un de ceux-là. Inch'Allah, c'est un savant. Il a une protection, il a l'ilm. Ba'a tawfiq Allah Azza wa Jal. Amma anta, t'as du mal à parler, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Tu vas aller naqsh ha'oula. Crois pas qu'il y a toi qui va faire da'wa. Lui aussi, il va tout faire pour t'égarer. Toi, tu fais tout pour le guider, tu as une bonne niya. Lui, il fait tout pour t'égarer. Wa. السلف الصالح رضي الله عنهم ونسيت بعض كلامهم ايزويد مواقف صلبة مواقف رجال هؤلاء علماء السنة Mohamed ibn Sirin, Abu Bakr, rahimahullah, on a cité son célèbre affaire au début, Inna hada al-ilm di, Mohamed hada, rahimahullah, imam min a'immat al-sunnah. Marra, dakhala alayhi rajul, un homme il est venu le voir. Min ahli al-ahwa, un mubtada, il est venu le voir. Ou deux hommes plutôt. Deux hommes. Ils sont venus voir هذا l'imam. Faqala, ils lui ont dit, Ya Abu Bakr, nous hadithuk hadith. Andr, c'est eux qui viennent. Lui, Abadan, il va les voir. C'est eux qui sont venus. C'est un imam de la sunna. Ta'lamoun, a immat sunna, il y a des awam qui viennent les voir, il y a des sunnis, il y a des mubtadi', il y a... Jamil al-Asnaf, ils vont les voir. Ha'oula, ils sont venus le voir, ils lui ont posé une question. Est-ce qu'on peut te réciter des hadiths? Andr, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, c'est un imam. Il peut faire la différence. Sahih, da'if. Qala, rahimahullah, la. Il leur a dit la. Là, vous ne récitez pas. Faqala. Ils lui ont répondu. Fanaqra alayka ayatan min kitabillah. Ils lui ont dit, bah, laisse-nous te réciter un verset du Coran. Qala la. Il a peur pour son cœur, rahimahullah. Thumma il leur a dit, la taquman anni, ou la aquman. Imma, vous vous levez, vous partez, imma, je me lève, je pars, une des deux. Al-haq al-batil, ça ne peut pas se rassembler, abadan. Imma, vous vous levez, vous partez, imma, restez, moi je pars. Andr sunni, imam. Il n'a pas dit là, peut-être, on va voir, je vais essayer, abadan, il pense à son cœur. Ces deux-là, si Allah veut les guider, il les guidera. Amma ana, je pense à mon dieu. Qala. Fakharaja. Ces deux hommes, ils sont partis. Et l'assise, ils n'étaient pas que les deux. Il y avait beaucoup de personnes dans l'assise. Lakin, c'était des sunnis. Dès qu'ils sont partis, les deux, Ba'dul Hadirin, des personnes qui étaient présentes, ils lui ont dit, Ya Abu Bakr, ma yadurruk, qu'est-ce que tu perds? Law qara'a alayka, ayatan min kitabillah. Ils ont dit, Ya Abu Bakr, qu'est-ce que tu aurais perdu si tu les aurais laissés réciter? Ils récitent un verset du Coran, c'est pas grave. Qala rahimahullah. Là, tu vois la différence entre l'imam Fiddin et les autres. Haoula, ils n'ont pas vu le danger. Il y en a, ce n'était pas des a'imma. Amma Muhammad ibn Sirin, qala inni khashitu an yaqra'a alayya ayatan fayuharrifaniha fayaqir. نعم فيقر ذلك في قلبي أو فيقر ذلك في قلبي. Il a dit j'ai peur qu'il récite le verset, je fais pas attention et il modifie quelque chose, ça rentre dans mon cœur, je tombe malade. هذا موقف الإمام محمد بن سيرين رحمه الله. والإمام طاووس ابن كيسان من أئمة السلف الصالح رضي الله عنه ورحمه الله. طاووس ابن كيسان كان كذلك جالسا مرة. Il était assis مرة. فجاء رجل من أهل الأهواء. Un مبتدع est passé. طاووس إمام من أئمة السنة. المبتدع l'a vu, il est venu. فقال أتأذن لي أن أجلس. انظر هذا. هذا il va même pas laisser parler une كلمة. Il lui a posé la question, est-ce que je peux m'asseoir? Il lui a dit là. Hatta as-salaf, ils n'acceptaient pas. Tu t'assois pas à côté de moi. T'es malade, tu peux me contaminer à tout moment. Fahum, hum, ils fonctionnaient comme nous on fonctionne un par rapport à Dunia. Beaucoup parmi nous, maintenant, si il y a une personne qui a une maladie maintenant contagieuse, wallah, il ne laissera pas s'approcher 5 mètres, 10 mètres. Il le voit, il saute. Pourquoi? Parce que c'est de la dunya, c'est ton corps, ta santé. Dès que c'est dans le din, t'inquiète. C'est ça qui nous fait du mal, l'ihnou. Cette génération aujourd'hui de musulmans, c'est ça qui nous fait du mal. Al-Naha'oula, ils ont fait passer le din avant le dunya. Nous, Al-An, Kathir Minna, beaucoup de musulmans, ils font passer le dunya avant le din. Dans le dunya, ils s'en sortent. Ils mangent, ils sont en bonne santé, ils sont cadres. Mais dans le din, ils se font beaucoup de mal. Est-ce que je peux m'asseoir? Faqal Taous, in jalasta khumtu. Il lui a répondu, assieds-toi, je me lève. Assieds-toi tout seul, parle avec le mur. Amana, j'ai une sunna, j'ai un din. Tu leur donnes aucun poids. Tu veux t'asseoir, assieds-toi, nage pas. Si tu pars, nage pas. Hatta il comprend, c'est clair. Faqala al-rajul, et yaghfir laka ya Aba Abdurrahman. L'homme, il a voulu al-an, et ça, entabih, c'est tariqa tahle al-bida'. Il va essayer de le toucher par les sentiments. Qu'Allah te pardonne, ya Aba Abdurrahman. Il veut montrer l'an, il est modeste. Il lui fait le dua. Il croit que ça va faire bouger hadha l'imam. Il ne sait pas que hadha l'imam, c'est comme une montagne. Qala Taous, rahimahullah, huwa dhak. Huwa dhak. In jalasta, kumtu. Taous, il ne suit pas ses sentiments. Abadan. Il n'a pas dit un skin, il fait pitié. On patiente, laissez-le s'asseoir deux minutes. Abadan. Il lui a dit, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu t'assois, je pars. Tamassouk. Ils ont préservé leur din, rahimahumullah. Huwa dhak. In jalasta, kumtu. Intabih, ayyuha sunni, les sentiments. Intabih. Ahl al-bida', kathir minhum, avec les sentiments. Ya akhik, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'Allah te pardonne, on est des frères. Intabih, ton cœur, il penche. Intabih. Al-imam al-barbahari, rahimahullah, il a comparé ha'oula al-dullal. C'est comme des scorpions. Hakada, il te prend le moindre moment où il peut te piquer. La taslam min. Il te fera du mal. Préserve ton din. Wa hada Abdullah ibn Taous, rahimahullah. Le fils de Taous, celui qu'on vient de voir auparavant. Chef, ça te montre le père, le fils. Ala ilm, ils sont ala sunna. Abdullah, le fils de Taous, marra, il était assis كذلك, كان جالسا, فجاء رجل من المعتزلة, معتزلي, ظل, il est passé, il est venu voir Abdullah. Ça vous montre, vous avez remarqué les trois qissas, ça vous montre أن السلف, ils n'allaient pas voir أهل البدع, les qissas qu'on raconte, un, c'est ces imams, ils étaient assis dans leur coin. C'est le Moubtadi'a qui vient à lui. Malgré ça, il le repousse. Nahnul An, tu trouves le Moubtadi'a, il est à des kilomètres. Tu trouves Wahed, Sunni, Akhouna. Tu vas où, Akhi? Je vais aller étudier chez Poulain. Ya Akhi, c'est un Ikhwani, c'est un Kada. Non, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, je prends que l'arabe et je reviens. Lakin, tu vas revenir malade. Fa andar la différence. Nous, certains d'entre nous, ils vont les voir. C'est le Moubtadi qui vient le repousse. Ah, c'est Adib. Comment Ba'd Ahl Sunna, ils ont un tasawul, il va voir un Moubtadi. Ça, c'est min al-ajaib. Fahada Taous, rahimahullah, ou Abdullah ibn Taous, on a dit qu'il y a un jalisan, faja'a rajulun min al-mu'tazila. Faja'a yatakallam. Hada al-mu'tazila, il est venu, il a parlé directement. Il ne lui a pas demandé l'autorisation. Il a commencé à parler. Abdullah ibn Taous, il a fait hakada. Il a bouché ses oreilles. Ses deux doigts dans ses oreilles. Parle jusqu'à demain, je ne t'écouterai pas. Ça montre que le Moubtadi. Ça montre que le Moubtadi. Il fait tout pour égarer ce Sunni. Lakin Sunni, il fait tout pour se préserver de l'égarement du Moubtadi. Il a bouché ses oreilles. Thumma. Il y avait son enfant, ma'a. Abdullah ibn Taous, il est assis avec son fils, un enfant. Il a dit à son fils, mets tes deux doigts dans tes oreilles et serre très fort, écoute pas. Son enfant, il a mis ses deux doigts, les deux, le père et l'enfant. Un grand sunni avec un petit sunni. Et un imbécile de Moubtadi'a qui parle. Sunna, il y a de la fierté. Izz, dans sunna. Comment tu l'écoutes? Tadun, alors il est venu te voir pour ton bien. Al-Mubtadi, il déteste le sunni, c'est ça l'asl. Il est venu te voir, il veut quelque chose. Tous ces atars qu'on cite, les références, aktharuha, ils sont fi al-Iban al-Ibn Batta, rahimahullah, fi Musannaf ibn Abi Shayba, fi al-Shari'a al-Ajurri. Alors nous, on ne citera pas les références à chaque fois, lakin ma'rouf, ces atars, ils sont fi hadi al-Kutub al-Sunna, li Abdullah ibn Ahmed. شرح السنة للإمام اللالكائي هؤلاء يجمع كثير من هذه الآثار فهذا ça c'est quelques exemples فقط اما on pourrait continuer des heures c'est quelques exemples فقط de tous ces personnes que tu aimes ces personnes que tu suis C'est ça leur motif par rapport à Ahl al-Bid'ah. Fait que c'est un salafi, haqqan. C'est un salafi à l'al-jadda. Tu suis haoula. Je ne te mélange pas avec le mubtadi'a. Abadan. Je ne te mélange pas, tu ne le fréquentes pas. Il vient et il est dans une route, change de route. Il est dans l'endroit, change d'endroit. Il veut te parler, laisse-le au bouche les oreilles. Oh, dis-lui, tais-toi. Anna, je ne parle pas avec toi, tu as un mubtadi'a. Ah, il faut être clair, Vihada. Préserve ton dit. Bah, tu le laisses parler pendant deux heures. Après, tu veux t'expliquer. Les deux heures, peut-être qu'il t'a mis une choubha. Tu as des doutes. Wa'alam. كذلك وفقك الله أن أهل البدع ذو مكر عجيب يغز أهل البدع يغز يفعل faire du mal au sunni فأنت fais attention le fait que tu le fréquentes هو يمكر بك ليل ونهار il fait tout pour t'égarer وأنت ربما au début خاصة la personne qui n'a pas d'ilm ربما tu vois pas tout ça عن أو قال مفضل ابن مهلهل مفضل ابن مهلهل رحمه الله قال إذا تمتخ الآن للدنجي ومكر أهل البدعة قال لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه يتكسبك الآن أن المبتدع سي Toi, Ayyuha Sunni, tu le fréquentes, ne crois pas que directement tu vas t'asseoir, il va te citer des bid'ahs. Il va te dire, il faut qu'on fasse une révolution contre le hakim, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de sifat, Allah, il n'est pas fils sama. Tu crois qu'il va te citer tout ça, les garments là. Anta, tu vas te lever, tu vas partir. Lakin, il a une ruse. Qad, walakinahu yuhadithuka li ahadith sunnah fi bidayat majlisih. Hakada tariqata ala al-bid'ah. Au départ, il va savoir, il y a des frères salafis, il y a des frères du sunna, il va s'adapter. Il va parler que des choses que tu es d'accord avec lui. Qal Sheikh Ibn Baz, Qal Sheikh Al-Albani. Il va commencer à citer des versets du Coran. Anta, tu t'es assis avec lui, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils disent les frères? Qu'est-ce qu'ils disent? Le frère, il est masha'Allah. Il ne sait pas, à cause de son ignorance, que le mubtadi' al-an yamkur bih. Al-an, petit à petit, le mubtadi' il a commencé sa da'wa. Qal رحمه الله ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بداية مجلسه ثم يدخل عليك بدعته ثم peu de temps après il commence à t'envoyer des pics il commence خلاص t'as confiance en lui t'es à l'aise هو il commence dans un dans il va citer une bid'a toi tu fais plus attention t'as pas le niveau pour distinguer خاصة الآن خلاص t'es à l'aise tu lui fais confiance الآن هو il attaque ton cœur et أنت t'es في غفلة قال فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك نصيحة الإمام هذا رحمه الله il dit peut-être qu'est-ce que Shubha elle va rentrer dans ton cœur الآن on se pose une question c'est quand qu'elle va sortir de ton cœur خلاص قال ابن عباس لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب c'est ça la maladie qu'il a cité ابن عباس الآن si ton cœur il est malade qui sait qui te garantit que tu vas te soigner ou tu vas revenir à l'al-haq tu sais pas elle As-salama, as-salama, c'est au départ. Au départ. Tu te protèges, tu te préserves, au départ. Hatta bi'idnillah, t'as aucun problème. Ahl al-bida'i, ce qui va te donner, ce que tu penses qu'il va te donner, tu le trouves multiplié par je ne sais pas combien de fois inda ahl al-sunnah. Falimada, tu délaisses le khir et tu vas dans les risques. As-salama, la yu'adiluha shay. Salama, la yu'adiluha shay. Et le fait que tu te préserves, c'est important jiddan. قال الإمام ابن عون رحمه الله لا يمكن أحد منكم أذنيه من ذي هوى أبدا لا يمكن أحدكم أذنيه il fait un conseil à أهل السنة ses frères الآن de أهل السنة personne de vous il tend l'oreille à un مبتدع انتبه لي قوله أذنيه أي tu tends l'oreille فقط أما s'asseoir étudier chez lui ça عند السلف c'était مستحيل Ça, c'est apparu que les générations actuelles, hadi, faqat. Amma inda salaf, c'était mustahil. Je vais aller étudier chez un mubtadi. L'écouter, lui passer le salam, il ne le passe pas. Ma ba'alouk, allez s'asseoir chez lui. La yumakkin ahadun minkum udhunay min dhi hawa abadan. Il a dit abadan, jamais, jamais, dans tous les cas. Il n'y a pas d'ilm, tu te retrouves dans une ville, il n'y a pas d'ilm, il n'y a que des mubtadi. Reste jahil. والله c'est toi le jama'a, c'est toi le haq. C'est toi le haq. Qui a le haq. T'es un ignorant, tu sais pas lire, tu sais pas écrire. T'es un sunni, t'aimes bien la sunna, t'aimes bien l'ensemble de la sunna. Reste comme ça, fais dua. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, Allah lui donnera son côté. يَرْزُقُهُ هنا الرزق. C'est pas que les choses de dunya là, ça comporte l'aïa, l'englobe l'ilm. Celui qui craint Allah, Allah lui donnera son côté. Le ilm et le dunya. Écarte-toi d'Ahl al-Bid'ah. Amma, tu te mélanges sous prétexte, il n'y a personne, j'ai envie d'apprendre, kada, tu vas apprendre al-dhalal. C'est mieux de rester soumis à l'al-fitra que de devenir un mubtadi'. Même si tu as du ilm, ça va t'avancer quoi? Tu seras un mubtadi' qui a du ilm. كذلك أمر مهم هنا أن بعض الناس ils ont compris le danger de المبتدع. كثير من الناس ولله الحمد من أهل السنة ils ont compris le danger d'أهل البدعة. لكن ينتساهل في المجهولين. ينتساهل في المجهولين. المجهول c'est une personne qui est inconnue. On ne sait pas c'est qui. مثلا واحد جيت يطلب العلم شي فلان سكي بيرسون لو كون اون دوموندو سافون بيرسون لو كون انتبه في اتونسيون في اتونسيون مثلا اون بيرسون il est pas عند اهل السنه il est pas dans une école salafie on le connaît pas يا اخي في اتونسيون ça veut pas dire qu'il est mauvais او que ça مبتدع لا لكن في اتونسيون لان peut-être qu'il est على خير peut-être qu'il est على شر. Peut-être qu'il est sur le droit chemin, peut-être que c'est un égaré. Enfin, comment un tas, tu vas prendre le risque? Inna hadha al-ilm din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Comment un tas, tu vas prendre le risque? Tu prends chez lui. Si c'est un égaré, tu fais quoi? T'as étudié un an, deux ans, masha'Allah. À la fin, on se rend compte, Fulan, c'est un ikhwani. C'est un qutbi, c'est un khariji. Alas, il a rempli ton cœur de shubha. Enfin, avant d'étudier, demande. Avant d'écouter une cassette, demande. Avant de lire un livre, demande. C'est qui Foulan? Si c'est un sunni, alhamdoulilah. On ne sait pas c'est qui. Al-khayr عند أهل السنة, il est موجود. Al-khayr عند أهل السنة. علماء السنة المعروفين بصحة المعتقد وسلامة المنهج, ils sont معروفين. قال ابن سيرين رحمه الله. وقبل هذا تعلمون أن السلف إسناد إسناد الحديث la chaîne de transmission de hadith. S'il y a un مبهم dedans, مبهم à une personne inconnue. مثلا الإسناد بأئمة منع عن رجل أو عن فلان. مثلا علماء السلف المحدثون يغجت الحديث. Pourquoi? Parce que dans la chaîne de transmission il y a une personne inconnue, on ne sait pas c'est qui. Peut-être que c'est un sunni, une personne de confiance, peut-être que c'est un menteur. Ils ne prennent pas de risque, ils rejettent le hadith. Hakada la sunna, elle t'est venue à ton époque, la sunna elle est rassemblée dans tes livres, elle est naqiyya, tahira, sahiha. Imagine, ils ont ouvert la porte. C'est pas grave, on ne sait pas c'est qui, c'est pas grave. Là, tu retrouves des hadiths, makdouba, mawdou'a. Qala ibn Sirin, rahimahullah. لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة ابن سيرين dit à l'époque l'époque des compagnons du prophète, ceux qui sont venus après, ils ne demandaient pas sur les Asanis. لماذا لأنه c'était tous des personnes de confiance, les compagnons, les enfants des compagnons, tous des fiqat, des udul, des personnes de confiance. Ibn Sirin dit quand elle arrive la fitna, ah, les rawafid ils sont sortis, Al-Jahmiya, ils sont sortis. Al-Mu'tazila, Al-Soufiya, la communauté, il y a des groupes qui ont commencé à sortir. Khalas, Al-An, tu ne peux pas faire confiance à tout le monde. Qala rahimahullah, falamma waqa'at al-fitna, qalu sammu lana rijalakum, fayunzaru ila ahli sunnah, fayukhad hadithuhum, wa yunzar ila ahli al-bid'ah, fala yukhad hadithuhum. Ibn Sirin, il dit, quand elle arrive la fitna, خلاص لي جو اي سون با توس على حق لا يا طائفه منصوره السلف اي يا دي غروب زيغاري الان جو بو با فير كونفيونس ا تول مون فابن سيرين قال لا بد سمو تو نوم تو ريسيت تو اسناد اون ريغارد سي سي دي سوني اون برون سي سي با دي سوني اون برون با سا سا مونتر ان المجهول تو سي با سي كي لا شك تو تاريت Ça ne veut pas dire que tu le critiques, le majhoul, à une personne inconnue. On le critique sans raison. On dit, Foulan, on ne le connaît pas. Fais attention. Attends. On demande. On se renseigne. Quand elle a un livre, tu veux dire un livre, l'auteur, on ne sait pas c'est qui. Attends, Akhi. Il n'y a pas que ce livre. Lis pour l'instant les livres de Cheikh l'Islam, il y en a des centaines. Peut-être que tu n'en as jamais lu un dans ta vie. Lis. Limada. Kadalik, limada. Daiman. On délaisse les choses claires, les choses sahiha, et on va vers les doutes. Vous avez remarqué, hada, c'est min Iblis, alayhi la'natullah. Al-an, les livres, si tu promets, elle a des livres. On n'a pas besoin de lire un livre d'innovateur ou une personne qu'on ne connaît pas. Car les livres de l'imam Ahmed, de l'imam Shabi'i, de l'imam Malik, de Cheikh l'Islam Taymiyyah, d'Ibn al-Qayyim, de nos jours, les livres de Cheikh l'Albani, de Cheikh Mokbil, de Cheikh Rabi'i, de Cheikh Yahya, de Cheikh Fawzan, de comme de livres. Probablement, on n'a pas lu un millième de ces livres, nous. Enfin, d'où tu trouves le temps d'aller, je vais étudier chez Foulan ou je vais lire chez Foulan, un inconnu ou un mubtadi'. Vous avez vu le khudnan. فالعناية العناية بهذا وفي attention والله هذا العلم il est plus important que ta santé et ce que tu manges matin et soir. Si tu manges pas ou t'es malade, tu patientes, tu meurs بإذن الله, tu meurs على خير. أما هذا الدين, si tu préserves pas ce dîn et tu t'égares, tu vas patienter où? Si tu meurs égaré, والعياذ بالله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله, et on finit avec هذا, قال الكتيبات كثيرة من أناس مجهولين. شبنا دمين آن يفعل une remarque أن صحيح des كتيبات c'est des petits livres هكذا. Ça s'est beaucoup répandu l'un. Tu vas dans les librairies, tu vas dans la rue, dans les pays musulmans, il y a beaucoup de petits livrets. Bardenas, ils distribuent, il y en a, ils les vendent, il y en a, ils les offrent. Cheikh Ibn Taymiyyah, il te montre, il y en a beaucoup, lakin min unas majhoulin. Lakin, c'est des personnes qu'on ne connaît pas. On ne sait pas s'il est à la haqq ou à la batin. Qal, la yu'lam anhum sabiq ilm, wa la sabiq fiqh. Wa lihada, ana ansah, kanahu bitark, hadihi al-kutayyibat. إلا من عرف أصحابه نصيحة إمام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله لي با لي تخيك انكوني غاز دون لي شوز كلير اون تامن علي فلان جو سي با سي كي اخي تيان تون ليفر بوركوا انا جو سي با سي كي اومن مو سي كي او انا جو بو با ريسكي سي دو دين قال وانهم من العلماء الموثوقين بهم دينا وعلما حتى لا يضل الشيخ ابن عثيمين يجي في اتونسيون في اتونسيون. Les annas, si ce n'est pas des savants, si ce n'est pas des personnes qui sont à la sunna, tu peux t'égarer. Les annas, t'as acheté ce livre, on t'écoute cette cassette, il l'a parce que tu veux suivre. Tu veux l'écouter, tu veux appliquer ce qu'il dit. Fais attention, Akhil Karim. خاصة في هذه الأزمنة انتشرت الوسائل. وسائل الإعلام. Internet. وسائل الإعلام, c'est les médias. الآن, t'as Internet. L'imprimerie, الآن, elle a atteint un niveau عجيب. Des milliers de livres qui sortent par jour, Obama, par semaine, par mois. Al-An, t'as les cassettes, les CD, t'as beaucoup de choses. Et pense, ne crois pas que toutes ces choses c'est à la haqq, abadan. قال عيسى السلام افترقت أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Ibn Sirin, à son époque, dès que les groupes ils ont commencé à sortir, ils ont fait attention. Ma balouk, nous, on vit au milieu des 73 sectes. Robama Akhtar, 73, c'est les Osul. Chaque jour, l'an, il y a un fikr. Chaque jour, il y a une nouvelle pensée, un nouvel égarement. Un temps au milieu de tout ça, si tu ne te protèges pas, tu te laisses aller, abadan, tu resteras à l'al-haq. Abadan. Abadan. Khasatan, tu n'as pas d'ilm, tu es faible. Là, je sais que tu es une proie facile. Al-hadar, al-hadar. Pardon, les gens, ils rentrent par Internet, ils rentrent, il y a quelque chose. Il vient avec le site. Ouais, j'ai lu kada kada. T'as lu ça où? Sur Internet. C'est qui qui a dit ce kalam? Je sais pas, mais c'est sur Internet. Non, mais c'est qui? Khalas. Je sais pas c'est qui, là. Ça se trouve, c'est un juif qui a écrit. Ça se trouve, c'est un djinn. Il s'est connecté à Internet. Il est en train de jouer avec toi. Sahih. Ma, ne te crois pas en sécurité. Al kuffar, c'est tes ennemis. Al shayatin, c'est tes ennemis. Al mubtadi'a, c'est tes ennemis. Kathir min al juhal, c'est tes ennemis. Ba'danas, au milieu de tout ça, on dirait qu'il vit à l'époque de Sahaba. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Demain, c'est pas fini. Demain, bi'idhnillah, après l'asr. Il manque la shubha sur la langue arabe. Ba'danas, ils disent, lakin, moi je prends que la langue arabe. Kadalik, on citera des exemples de a'imma, des savants. Ils ont eu une fréquentation de Ahl al-Bida' et ils ont eu un égarement par rapport à cette fréquentation. Et on citera les mythales. Inch'Allah, demain, même endroit, même heure, après l'Asr, ici, Inch'Allah. Hayakumullah.